Amené mort ou vif, il est mort ou vif, et nous mettons notre orgueil, notre joie toujours, à ne jamais épargner notre proie toujours, car nous sommes les chasseurs qui sont toujours vainqueurs. Thank you.